quelque chose qui se passe et on ne sait pas trépasser, on ne sait pas s'arrêter, c'est toujours la même chose, ça dépasse pas le bout de Iota de la première fois et seulement l'amour nous sauvera pas. Et voilà, et ça on le sait, et on ne savait pas avant, et maintenant on s'en doute, et c'est ça, le doute s'immisce en nous. Et là, c'est fini, c'est le drame, c'est fini, et ça recommencera pas, et ça finira, oui c'est sûr, c'est pour maintenant, c'est toujours la même chose avec moi, c'est toujours la même chose avec moi, ça s'arrête pas. Non, ça s'arrête pas, on en a rien à foutre, on s'encule le bas du mou. About it, I don't give a fuck. It's not like I'm born yesterday or something like that, you know what I'm saying? You know, it's like this and that, and everything is always the same. It don't ever move down, it don't ever move up, it just stays the same level, planing. It's like a mental plane, you know, mental plane, you know, it's not like taking a plane or anything, going somewhere, just a mental plane, you know. It's kind of an abstract concept, you know. An abstract concept, yeah. It's like a mental plane, it won't go on forever, it's just gonna be maintained. Never, never, ever, ever again. It's like this and that. This and that. Et là, ouais. Et là, ouais. Ouais. Get up. Get ups. Wait. Et là, c'est ouais. I'm in a fucking bitch, why? Fucking system. The fucking system. I don't want to be systematic about anything, but I have noticed something is going on, just don't know what it is. Okay. Si tu fumes du cannabis, tu vas rentrer dans notre vie. On débarque sur la piste, non y'a pas de complice. T'inquiète pas, c'est normal, c'est le style original. L'instru, il est là pour faire péter ton mental. Non, on fume le zamal, on trouve ça normal. Si tu restes ici, ben on va te faire mal. Oui, nous on fait le son, oui, on est en action. Pour la Réunion et pour notre nation. Oui, on passe du bon son, en improvisation. Écoute garçon, oui, pose pas de questions. On arrive sur la version. On débarque sans raison, pour prépare ton malédiction, on va te mettre la pression, garçon. Dans mon horizon, pas de lapis, pas de rips obscènes. Nous on enchaîne. On est paré pour la guerre, pour tout côté. BT représente 0. Ouais, à nous là. Comme si on avait trouvé la solution. C'est pas comme si on avait trouvé la solution. Merde. Canal Sud 92.2 FM Toulouse. Toulouse, France. Et c'est Rance. Parce que tous opposés, au bloc cité, cité armée, béton armé, nous les poser comme l'armée debout tous les matins. À taper tout ça qui est malin, idylle dans le réchauffer, les péter, le réchauffer tous les matins avec un petit café au lait, on les connaît avec un pilonné tous les matins avec le café, tous les péter, tous les matins, on les met au soin, on fume ça, on les opé, tous les matins, on les olé, café au lait, tous les matins, café au lait, oh yeah, c'est le café au lait, Ricoré. C'est une marque et moi je le mets dans le pognon. Gnan. Donne son opinion. Il met dans l'oignon, de l'oignon, de l'oignon, de l'oignon, de l'ail, la tomate et les carottes sans sel. Avec poivre, il passe mieux avec les carottes. Carottes, poireau, sel, patates, chouchou. Et poivre et patates et chouchou. Et carottes et tomates et l'ail, et safran et l'origan, et tout, ouais. Poisson, volaille. Safran, ouais. Safran, franchement là, safran. Safran, safran, je pense ça compte pas. Parce qu'il y a la volaille à terre pas qui tourne au côté. Avec le bœuf, saucisse, cocktail. Nous les là, nous mettre ça dans la cesta. Sauce américaine. La festa et les genga. Les gringos, avec les amigos. Nous les là, tranquille, le pacos et le quartal. Dans le fion, fuego dans le fion. Dans le fion, dans le fion, dans le fion. Hola, hola, como esta? Esta bien? Está bien, otra vida. Capitol, recapitul. Recapitul, recapitul. Ah, ah merde, ah merde. Oh, il a cassé un verre. Ah merde. Il a cassé le verre. Verre d'hier, qui n'était pas rempli. Merde. J'ai cassé un verre. C'est pas comme si j'avais le choix. Pas mal, je fallait que je ramasse avec mon dos. Oh non. Je suis vrai, balai, balai, balai. Et tout le monde est redéballé. On est tous là et tout le monde va s'enfiler. Un couteau, un coup de chevache dans la tête, tête, tête. Ça met à mettre un vaisseau dans la tête, tête. Un fusil à lunettes. Tout le monde est paré, sniper, ah oui, attiré. Il va t'éliminer, bah, boum, écoute-le. Esquiver, barbale, gilet, barbale. Oui, tout le monde est cagoulé, cagoulé, camouflé. Oui, tout le monde est assuré. Oui, ce soir, on va choper, on va finir. Ce que je veux plus, il veut nous tirer, nous de fric. Tirer, nous de fric. C'est nous qui a fait le casse, il veut nous tirer, nous de fric. On va le casser tout de suite, le casser tout de suite. S'il veut mailler, on va le buter tout de suite. Fils de pute, ouais, ouais. Chose qui se passe sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net tous les vendredis de 21h à 23h. Et ce quelque chose, c'est Nuisance. Justement, les nuisances, c'est une émission qui nuit au sens, une émission de toutes les nuisances, une émission à tendance bruteuse ou brutiste, ou brutise. Fuck. On est là, on j'ai est rien là, dit. On j'ai rien dit. Tranquille, rachécher le pack de Gollum. Gollum. Merde, on ne comprend rien. Il n'y a rien à comprendre. C'est pas comme si la dernière fois ça voulait dire quelque chose. La dernière fois. Si, si. À côté là. Il y a quelque chose. Moi, je connais pas. Ça se passe en travers de la gorge. C'est toujours la même chose qui se passe en travers de la gorge. C'est moi. C'est le moi. Alors visons le non soi. Non, je ne sois pas moi. Non. Je ne sois pas. Y'a plus de son ou quoi? Non, y'a rien. Pourquoi tu... Mais arrête. Y'a quelque chose là. Y'a un téléphone qui sonne. Dans le bureau, donc pour les gens qui appellent le bureau à cette heure, il n'y a pas de salarié, donc c'est désolé. Le téléphone, c'est le 05 61 53 36 95. Je répète, le 05 61 53 36 95. Et non pas le 05, je sais pas quoi, dans le bureau. Quoi. Le 05 61. Merde, merde, j'ai toussé dans le micro. Pourquoi on comprend rien? Oh, on arrive. C'était pour l'instant la dernière... Non, la dernière fois, c'était pourtant la dernière fois que je disais ça. Ça. Bonjour du doyen de Canal Sud, autoproclamé donc, autoproclamons donc le doyen de Canal Sud qui vous passe le bonjour et qui vous rappelle que le 7 juin à Arnaud Bernard il y aura donc une fête de quartier, je crois, en tout cas une fête, place Arnaud Bernard le 7 juin 2015, à partir de je ne sais quelle heure et jusqu'à je ne sais quelle heure en tout cas si vous voulez vous y rendre, participer à la fête donc de quartier je crois d'Arnaud Bernard le 7 juin. Allez-y, foncez. Thank you. Night train. vous, vous avez eu droit à de la grande et belle musique jusqu'à présent. Et maintenant, on va retrouver les ondes de Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Parce que Canal Sud, eh ben, c'est toujours les mêmes ondes que vous écoutez. On va pas les retrouver. En fait, on est toujours sur les mêmes ondes. 92.2 FM ou canalsud.net. Il est 23h05 et 10 secondes, 11 secondes, 12 secondes, 13 secondes. Et j'arrête là. Et ensuite, pour vous dire qu'au 40 rue Alfred Duméril, 31 400, Toulouse, en France, en Europe, sur Terre, eh bien, les êtres humains ont fait un truc. Ils ont fait quelque chose, une association, loi 1901, à but non lucratif, d'expression, enfin on va dire expression radiophonique au moins, quoi, de radio. Voilà, ils ont fait une association radiophonique en 1981, qui était déjà Barbe Rouge à l'époque. Bon, ça on le connaît l'histoire, hein, ceux qui connaissent. Mais en fait, rue du Thor, rue Saint-Rome, là, je ne sais pas où c'était les locaux, je n'ai pas connu cette époque, je n'étais pas né, à peine. Et bien en fait, c'était un lieu, le 40 rue Alfred Duméril. Donc si vous voulez y passer pour les vernissages d'exposition tous les premiers vendredis du mois, vous le pouvez au 40 rue Alfred Duméril, 31 400 Toulouse, en France. Et ensuite, le téléphone, c'est le 05 61 53 36 95. Celui du bureau, je ne le connais pas, même si quelqu'un a appelé tout à l'heure. Et pour finir, l'émission que vous écoutez actuellement tous les vendredis de 21h à 23h, sauf quand elle n'est pas là, l'émission, eh bien c'est Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, ou de toute la nuisance, l'émission qui nuit à elle-même, en nuisant tôt sens. J'ai menti au fait pour dire qu'on retrouvait les ondes de Canal Sud et que vous allez avoir droit au PC diffusion. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est toujours de la grande et belle musique. Et ouais, c'est comme ça. Et ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. We'll be right back. Thank you. va au Shanghai, on va boire de la bonne carrette bulle, on va mourir, ouais.